dirai pas ton nom, car tu te reconnaîtras. Sur le fil de ma chanson, dans le timbre de ma voix, tu sauras que c'est pour toi que mes mots si maladroits ont tenté une embuscade malgré toutes les barricades. Et je m'enivre toutes les nuits d'un bien mauvais whisky. J'ouvre les portes d'un paradis ou d'un enfer qui me réjouit. C'est bien que c'est idiot, que c'est insensé de croire qu'à la lueur de quelques mots peut se jouer une autre histoire. Mais tu sais que je sais tout ça, ne me crains pas, ne me fuis pas. Je ne prendrai pas ta main, je ne te dirai pas demain. Et je m'enivre toute la nuit d'un bien bon mauvais whisky qui va me plonger dans l'oubli, dans les replis de mon lit. Je ne serai pas celui qui sera là auprès de toi, qui partagera tes envies et tes désirs et tes viens là me tenir chaud quand il fait froid. Je te serrerai dans mes bras, je ne serai pas celui-là, mais je te garde au fond de moi. Et je m'enivre toutes les nuits, même sans ce mauvais whisky. Je pense à toi et ça suffit, je pense à toi, ma douce amie.